Bonjour à vous tous et merci de nous rester fidèles. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici l'essentiel. Le ministre ayant les infrastructures dans ses attributions demande à l'Office burundais de l'urbanisme et de l'habitat d'accélérer la délimitation de la ville de Gitega en présentant le schéma directeur. Vous aurez les détails dans cette édition. Et le président burundais Evariste Ndayishimiye entamera un voyage à destination de Malabo. Amaro, c'est la cohabitation pacifique entre les partis politiques de cette province du centre du pays. Voilà pour l'essentiel. Bienvenue pour les détails. Albert Ndouayo assure la mise en onde. Dans la présentation, vous êtes avec Moïse Misago. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais tantôt, le ministre en charge des infrastructures demande à l'Office burundais de l'urbanisme et de l'habitat d'accélérer les travaux de délimitation des routes dans les nouvelles zones à urbaniser. C'est au moment où les habitants de ces zones se lamentent car ils n'ont pas le droit de construire ou de vendre leurs parcelles avant la délimitation de ces routes. Le point avec Fidèle Antoine Sabimana. Dans cette rencontre qui a réuni le ministre des Infrastructures, Équipements et Logements Sociaux avec les représentants de l'administration en province Gitega, les représentants de l'Office burundais et de l'urbanisation, de même que l'agence routière du Burundi, l'administrateur de la commune Gitega a soulevé les inquiétudes des habitants des nouvelles zones à urbaniser selon le schéma directeur de la ville de Gitega 2020-2050. Les habitants de ces zones n'ont plus le droit de vendre ou construire leurs parcelles avant la délimitation des routes interquartiers selon les normes prescrites dans le dit schéma. Le ministre Deogracia Sanganiumami a compris ces inquiétudes des habitants et a ordonné aux équipes techniques de Robuha et de l'administration de mettre en priorité la délimitation de ces routes pour que les habitants des zones à urbaniser puissent être libres, soit de vendre ou de construire leurs parcelles. Vena Manirambona, gouverneur de la province de Gitega, lui a suggéré la mise en place d'un calendrier des travaux de délimitation des zones à urbaniser, de même que les routes, ce que le ministre Deogracia Sanganiumami a vivement soutenu. Selon le ministre Sanganiumami, ce calendrier pourra faciliter à l'État et à la population en particulier de savoir l'état d'avancement de ces travaux. Le ministre Deo Sanganiumami a aussi ordonné la délimitation des terrains où passera le chemin de fer pour que l'on puisse calculer à temps les frais d'indemnisation des habitants qui devront déménager. Fidèle d'Antoine Sabimana, le chef de l'État Evariste Ndayishimiye va participer au sommet extraordinaire des chefs d'État de l'Union africaine sur le terrorisme et le changement des régimes par des moyens anticonstitutionnels. Ce sommet se tiendra à Malabo, en Guinée équatoriale, du 27 au 28 mai de ce mois en cours, selon le communiqué du bureau chargé de l'information, de la communication et du porte-parole du président de la République de ce jeudi. À Mwaro, les représentants des partis politiques affirment que la cohabitation entre eux et l'administration est bonne. Cependant, ils demandent d'être associés dans la mise en place de certaines commissions dans les communes. Le gouverneur de cette province conseille à ses représentants des partis politiques de garder ce climat afin d'œuvrer ensemble pour le développement du pays. Le point avec Laurent Ndikouriyo. Selon Richard Moussoda, deuxième secrétaire provincial du parti Prona en province Mwaro, et Alexis Nyonguru, représentant du parti Sawanyafo Debout dans cette province, ces partis n'ont pas été informés dans la récente mise en place des conseils des jeunes et le conseil des femmes dans la province. Ils demandent que dans l'avenir, ils soient associés dans la mise en place de telles commissions dans les communes. Selon Niyongeko Innocent, vice-président du parti Séné dans cette province, lors des travaux communautaires, certains membres de parti se présentent en tenue de leur parti. Jean Désiré Ndikou Mana, secrétaire provincial du parti CNDD-FDD à Mwaro, indiquait que tous les partis politiques avaient été consultés lors de la mise en place des conseils des jeunes et conseils des femmes au niveau provincial, mais n'ont pas participé. Il ajoute que porter une tenue d'un parti politique ne peut déranger personne. Tous les représentants de partis politiques dans la province Mwaro reconnaissent pourtant que les relations entre eux ou entre les partis politiques et l'administration sont au beau fixe. Toutes les activités, une fois annoncées à l'administration, se font librement. Le gouverneur de la province Mwaro, colonel Gaspard Gassanzoué, conseille à ses différents responsables de partis politiques dans cette province de garder toujours ces relations. Il leur conseille d'éviter la suspicion et la mésentente. Tous ces représentants de partis politiques politiques sont invités à œuvrer ensemble pour le développement du pays. Domwaro, Laurent Dikurio, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. C'est à 13h03 et poursuivons cette édition. Plus de 60 dossiers, dont plus de 40 sont des associations et coopératives des femmes, ont été ouverts en compte dans la Banque d'investissement et de développement des femmes. C'était ce mercredi au chef de la province Changuzo, où les responsables de cette banque avaient effectué une descente dans le but de sensibiliser les femmes à y adhérer. Le gouverneur de la province Changuzo a demandé aux responsables de cette banque de faire une descente jusque dans les coins les plus éloignés du chef-lieu de la province afin de faciliter aux membres de cette banque. Les enfants issus du viol mènent des vies difficiles dans leur vécu quotidien suite aux stigmatisations à leur endroit. David Ninganza, activiste de la société civile qui milite pour les droits des enfants au sein de la SOGEPAE, signale que 5000 enfants naissent des pères inconnus chaque année. Saint-Louis, cela multiplie les effectifs des enfants en situation de riz. Il appelle le gouvernement à mettre en place la technique de détection du père de sang de l'enfant ADN pour inverser la tendance et leur assurer une éducation meilleure. Le point avec Omer Ndouaye. La confusion pour la plupart de ces enfants est la conséquence de la négligence dont ils sont objets dans leur communauté. D'autres vivent dans le désespoir pour manquer de soutien. Ce qui est arrivé à ma mère m'a affecté aussi. Quand on me demandait le nom des parents, je commençais par celui de ma mère et quand il s'agissait de celui de mon père, je manquais quoi dire et le professeur me frappait sans motif jusqu'à penser à l'abandon de l'école. Il me donnait le cours de mathématiques, je sortais quand il entrait. Je vivais avec ma marâtre. Je n'utilisais pas la même assiette avec les autres. Je n'appréciais pas les conditions dans lesquelles j'étudiais. Quand je quittais l'école, arrivé à la maison, je trouvais mes affaires en désordre. Je ne pouvais pas s'adresser à mon père, non plus à ma mère. Je ne savais pas à quel sens se vouer. Parfois, la victime de ces violences enregistre l'enfant issu du viol au nom de son père. Ce qui revient à le considérer comme l'auteur du viol sur sa propre fille. Une diffamation, comme l'explique celui-ci, qui a vécu cette expérience malheureuse. Ma fille a été violée, par après, elle a mis au monde. Elle n'a pas connu le père de l'enfant. J'ai eu honte, car c'est moi qui ai été enregistré à la place du père de l'enfant. J'ai voulu la chasser, mais ça allait être le pire. Les hommes religieux m'ont été proches avec des conseils. Ces enfants subissent des traumatismes psychiques, selon Béatrice Barandereka, chargée de l'approche psychosociale au sein du centre Serouka. Les enfants issus du viol sont des enfants qui ne sont pas acceptés par leur maman parce qu'ils sont nés suite à un traumatisme et qui sont rejetés par leur famille. Beaucoup ne sont pas acceptés par la famille de l'agresseur, s'il est connu bien sûr, et aussi sont des enfants qui sont discriminés, marginalisés au niveau de la communauté. Grandir sous le statut d'un père inconnu, c'est une cause de blessure profonde de l'endroit de ces enfants. La famille et la communauté ont un rôle important à jouer pour le bien-être de ses enfants. Ne pas avoir un père légitime est une entrave pour le droit de l'enfant. David Ninganza de la SOGEPAE, organisation militaire pour le bien-être de l'enfant, pense que l'accès facile aux tests d'ADN contribuerait à la réduction des effectifs de ses enfants sans père. Nous avons plus de 5000 enfants qui naissent ici. Les pères inconnus, les enfants qui naissent dans ce sens nécessitent tests ADN. Malheureusement, aujourd'hui, le test ADN coûte cher. Donc, c'est un problème. Alors, j'en profite pour demander au gouvernement pour qu'il y ait aussi un programme de la protection sociale de ces enfants qui est ADN. Selon toujours David Ninganza, l'épanouissement pour ces enfants est pour la plupart des fois problématique. Merci Omer Ndouaye. Revenons sur l'élément de la province Changuzo où plus de 60 dossiers, dont plus de 40 sont des associations et coopératives des femmes qui ont ouvert un compte dans la banque d'investissement et de développement pour les femmes. C'était ce mercredi au chef de la province Changuzo où les responsables de cette banque avaient effectué une descente dans le but de sensibiliser les femmes à y adhérer. Le gouverneur de la province Changuzo a demandé aux responsables de cette banque de faire une descente jusque dans les coins les plus éloignés du chef de la province Changuzo, le point avec Raymond Moudende. Parmi les difficultés rencontrées par les associations et coopératives des femmes en province Changuzo pour entrer et bénéficier des crédits à la banque d'investissement et de développement pour les femmes, figure entre autres l'éloignement par rapport au siège de cette banque et la méconnaissance des documents exigés pour ouvrir des comptes, puis pour accéder aux crédits. Le directeur des crédits et le directeur des opérations ont expliqué à plus de 100 femmes présentes les modalités d'entrée et de bénéficier des crédits dans la banque des femmes. Parmi ces plus de 100 femmes, certaines qui avaient été informées préalablement étaient munies des documents exigés pour l'ouverture des comptes. Et lors des débats, Boniface Benyezako, gouverneur de la province Changuzo, a parlé lui aussi des problèmes d'éloignement des femmes à Changuzo par rapport au siège de cette banque, ce qui est un handicap. Et par exemple, selon lui, la femme de la colline Ngoro ou Chamazi de la commune Gisagara éprouve des difficultés d'aller à Gitega, où se trouve cette banque. Les responsables de cette banque ont fait savoir que la réponse à cette difficulté est de mettre sur pied les agences, ce qui reste un projet. Ainsi, sur place à Changuzo, 63 personnes, dont 40, sont réunies dans les associations et coopératives des femmes, ont ouvert leurs comptes à la Banque des femmes. Et Mediasis Ndouayo, présidente du Forum des femmes à Changuzo, salue plutôt cette descente des responsables de la Banque des femmes, qui est une volonté de faciliter les femmes de Changuzo à y adhérer. Et si plus de 400 associations et coopératives féminines à Changuzo, 93 éléments sont agréés à l'Agence nationale pour la promotion et la régulation des sociétés coopératives du Burundi, ANACOP en sigle, et ce sont ces 93 associations coopératives qui peuvent alors bénéficier des crédits dans la Banque des femmes. Depuis Changuzo, Raymond Moudende, Radio Isanganiro. Actualité internationale. Hors de nos frontières, le sommet extraordinaire de l'Union africaine se prépare depuis mercredi à Malabo, en République de Guinée équatoriale, où les ministres africains des Affaires étrangères examinent les déclarations à soumettre au chef d'État en fin de semaine. Cette réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine s'ouvre notamment au moment où l'Afrique est marquée par de nombreuses crises, entre le retour des coups d'État, notamment en Afrique de l'Ouest, ou encore la montée des menaces djihadistes au Sahel et leur progression vers le golfe de Guinée. Les diplomates ont du pain sur la planche ce mercredi. C'était la question humanitaire qui était à l'ordre du jour, écrit RFI. Et le combat entre l'armée congolaise et le mouvement rebelle du M23 se sont poursuivis toute la journée de ce mercredi 25 mai. Des combats se sont déroulés à proximité de Goma, l'une des principales villes de l'est du Congo, dans une zone frontalière avec le Rwanda, pays qui a affirmé lundi que des tirs de roquettes congolaises avaient été tirés par l'armée congolaise sur le sol rwandais. Une situation explosive qui rêvait d'anciens traumatismes, lit-on toujours sur RFI. Et l'ambassade des États-Unis à Kinshasa demande à ses ressortissants à ne pas se diriger vers l'ouest et le nord Kivu suite à ces combats. Et voilà, chers auditeurs, à 13h10, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci Albert Ndouaï qui était à la manette édition. Au revoir.